Azalina je puberté Azalina no mona mbale azuli bomae Soki na kanisi mokolo tolinga na ki mama Changer mes balles et la vie na yo au coucou tana na makambo et belé anga manda et toi zelina zelina j'ai puberté azalina non mon amour balé azuli bon maé soki na kanisi mokolo tuli na rakie la vie Aroye na kolar sekle dollar. Babosa. Dip se basse.